Alors, bonjour, je me présente. Donc, je suis Nathan Octave. Je joue dans deux projets pour l'instant qui sont Mon Orchestra et Les Taxidermistes. Alors, j'explique vite fait. Mon Orchestra, c'est plutôt expérimental, ambient, électronico-acoustique. Un peu tout, enfin, c'est un projet qui a été distribué sur le net en premier via un site qui était Copyleft. Maintenant ça se retrouve sur Bandcamp, c'est toujours protégé donc par une licence Copyleft, mais j'ai mis les downloads payants en espérant me faire quelques centimes. Mais c'est une belle illusion, on est un peu perdu dans la masse. Et j'ai l'autre groupe, les Taxidermistes, qui là est un groupe de reprises parodiques. Là, on n'a aucune diffusion internet, à part éventuellement des gens qui mettent des extraits de concerts filmés avec des GSM. Mais donc, on reprend des trucs, on traduit les paroles, et elles sont un peu réarrangées, c'est parodique. Et c'est essentiellement tourné vers le live. Bon, allez, mais je vais te poser des questions en question. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour toi le droit d'auteur ? Alors, pour moi, le droit d'auteur, c'est le moyen de percevoir pour un artiste des sous à partir du moment où son travail est commercialisé. C'est-à-dire, il a droit à X% sur un disque, sur un livre vendu en librairie, sur un passage radio, il touche des droits. Et en gros, ça ne vaut que pour la partie immergée de l'iceberg, dans la mesure où il y a des tas d'artistes qui se produisent sans support physique. Je pense notamment aux musiciens qui vivent essentiellement de leurs concerts, plus que de la vente ou de disques ou de passages radio. Enfin voilà, en gros, pour moi, c'est ça le droit d'auteur. Alors, toi, tu es soumis au droit d'auteur, tes productions musicales. Il y a les deux groupes, donc Orchestra Taxidermiste. Non, c'est pas soumis au droit d'auteur. J'ai été inscrit à la SABAM, mais on en parlera un peu plus tard. Non, c'est complètement du copyleft. C'est libre de remix, de distribution, de diffusion, de copie, de tout ce qu'on veut, à partir du moment où on cite la source, c'est-à-dire le site sur lequel il a été téléchargé. Mais l'adresse du site se trouve déjà dans les commentaires des tags MP3. Voilà. Et pour les taxidermistes, là, on est plus ou moins soumis aux droits d'auteur parce que c'est pas nos morceaux, c'est des reprises. Oui, c'est un groupe de reprises. Donc, c'est un groupe de reprises, ouais. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de sortie discographique. Les salles où on joue payent la SABAM. Nous, on remplit un papier disant, voilà, on joue tel morceau. On déclare les ayants droit originaux du morceau. On ne touche aucun droit pour nos arrangements, ou il y aurait moyen de déposer les arrangements, mais bon, on va pas jusque là non plus, c'est plus du spectacle, quelque chose de l'ordre du cabaret parodique. C'est un spectacle vivant. Nous, on a notre cachet de concert, la salle paye les droits à la SABAM et c'est reversé aux ayants droit originaux, ce qui permet notamment de faire toucher des droits d'auteur à certaines personnes qui sont un peu méconnues ou et d'aller donner des sous à d'autres gens que Michael Jackson, Madonna, etc. Mmh. etc. Et donc, ces morceaux sont en fait, à certaines occasions, ils sont sur le net, disponibles. Ils peuvent figurer sur le net si c'est non payant. Ça reste fair trade. Ouais, c'est-à-dire que sur YouTube, on peut poster des reprises. Et effectivement, nous, on avait posté un morceau, mais chaque fois qu'on est tout à fait franc, on déclare toujours le morceau original. On a reçu un mail de YouTube disant que notre morceau ressemblait étrangement à quelque chose de déjà existant. Mmh. Et on a répondu, oui, absolument, c'est une reprise. Ouais. Donc, apparemment, c'est permis. Oui, il y a droit de citation. Voilà. Ça, c'est... Par contre, je sais qu'il est interdit de poster un morceau de quelqu'un qu'on irait choper sur un album dont on ferait un clip soi-même. On risque des poursuites. Là. Parce que c'est le morceau original de la personne, donc il y a droit de diffusion, droit d'auteur. Oui, c'est exploitation voilà. du travail des autres. Alors, pour suivre... Que penses-tu du téléchargement sur Internet, le téléchargement libre et le téléchargement pirate? Bah, c'est-à-dire que le téléchargement libre, c'est un peu la formule que moi j'avais opté au début de Norchestra pour essayer de diffuser un maximum, mais le site était... Enfin, il fallait connaître le groupe. C'est sur ton site. C'était un site propre, oui. Enfin, c'était norchestra.be avec bon, tout un... C'est toujours norchestra.be ou... Non, le site n'existe plus, en fait. Il y a toujours moyen d'avoir accès via Google à certaines pages, mais il faut vraiment connaître le titre du morceau, éventuellement, ou un truc comme ça. C'est plus du tout... C'est à peu près mort. Mais du coup, j'ai fait un bandcamp d'orchestra. Et là, je me suis dit, bon, ben, y a possibilité de vendre. Je vais vendre à des prix relativement bas, mais sans me renseigner quels étaient les prix pratiqués sur bandcamp. Et je crois que j'ai tapé un peu haut. Du coup, j'ai encore rien vendu du tout. Mais même, je crois que si je mettais en téléchargement gratuit... Ou prix libre, comme il y a moyen de faire aussi, genre de zéro à ce qu'on veut. Je ne sais pas si je vendrais plus, dans la mesure où Bandcamp, est, je ne sais pas combien il y a de groupes sur le site, mais des centaines de milliers, et notamment des gens mainstream qui ont une diffusion... officiel avec une discographie officielle sur des grands labels même parfois, genre Universal ou compagnie, et qui ont sans doute une clause dans leur contrat qui leur permet de sortir des projets parallèles sur Bandcamp. Et je crois que pour eux c'est intéressant, ça leur donne une crédibilité underground, et ça leur permet en tout cas de diffuser des trucs qu'ils font sur leurs 4 pistes un soir comme ça, qu'ils trouvent sympa, et hop. Ça se diffuse, mais voilà, ce genre de projet, ça se vend déjà aux alentours des $5 l'album, un truc comme ça. Et moi, c'est un peu le genre de prix que j'ai pratiqué au début en me disant, bon, autour de $1 ou $2, parce que j'ai mis les prix en dollars, c'est plus universel, on va dire. Et bon, enfin, voilà, perdu dans la masse, quoi. Bah, le téléchargement illégal, moi je pense pas que ça nuise aux artistes dans la mesure où on continue à aller voir les concerts, parce que c'est avec les concerts que les artistes, même les artistes de grandes maisons de disques, vivent. Parce que sur un disque, ils touchent entre 2 et 10%. Je crois, et encore 10%, c'est le très bon contrat pour les Rolling Stones ou des stars comme ça, quoi. Donc, quand on commence dans la musique, j'ai pas l'impression que que ce soit le meilleur moyen de se faire connaître. Parce qu'en plus, bon, ben voilà, on arrive sur un label, on est formaté par le label, qui veut rentrer dans ses frais. Et bon, maintenant, il y a des labels indépendants, effectivement, pour des petits groupes qui sont sur des petits labels indépendants. C'est déjà plus difficile à trouver, mais bon, tout se trouve pour qui ils cherchent. Je pense pas que ça leur nuise réellement, c'est plus un moyen de découvrir. J'ai moi-même découvert des groupes en téléchargement illégal avant d'aller voir le concert. Et heureusement que j'avais découvert ça via Internet, sinon j'aurais pas été voir le concert. Enfin. Et puis même, je veux dire, on se faisait des copies de cassettes dans les cours de récré. C'était du peer-to-peer, mais à très petite échelle, évidemment. Tiens, je te file une cassette vierge et tu me files... C'était interdit, et en même temps, dans la loi belge, on paye quand même des droits d'auteur sur les cassettes... Enfin, on payait des droits d'auteur sur les cassettes vierges, on paye des droits d'auteur aujourd'hui sur les lecteurs MP3 à la taille du disque dur de capacité de stockage. On paye des droits d'auteur sur des CDR vierges, même si c'est pour graver ces photos de vacances, il y a des sous qui vont à la SABAM. Ouais. Donc il y a quand même un côté un peu hypocrite de la part de la législation qui fait on va prendre des sous pour rétribuer les gens qui sont floués par le téléchargement illégal. Mais c'est illégal, mais on récupère quand même parce qu'on sait qu'après le CD va être gravé sur un CDR, donc on... Ouais. Mais on peut graver des tas de choses, faire des backups sur des CDR. Enfin voilà. Alors, est-ce que tu penses que le copyright freine le partage ? Aujourd'hui, oui, dans la mesure où. Où il y a une espèce de guerre au téléchargement illégal, et que moi je trouve que oui, enfin, rien de plus facile que de voir quelqu'un qui met en ligne de la musique qu'on aime, on arrive parce qu'on cherche tel album, et puis après on se rend compte qu'on a à peu près les mêmes goûts, et « Ah, mais ça je connais pas, ah tiens, ça je connais pas, ah, ça je connais pas, ça, ah, hop !» On prend, et si vraiment on aime, on va voir le concert, on achète le t-shirt du groupe, les badges, j'en sais rien. Mais c'est là-dessus que le groupe va toucher réellement sa part du gâteau. Enfin, c'est le téléchargement illégal, il nuit aux maisons de disques. Maintenant, les maisons de disques ont normalement un rôle de découvrir des nouveaux talents, etc. etc. Ce qu'ils font plus vraiment, ils prennent quelqu'un de relativement façonnable, si possible. J'en prends pour preuve des émissions Starac et The Voice et compagnie. On les façonne à ce que le public est habitué à manger. Et voilà, on va faire du tube. Et si ça marche pas, on jette et on en prend un autre. Et je crois pas que l'art avec un grand A et quoi que ce soit à y gagner. Le commerce, oui. Alors le copyright n'est pour moi qu'une question de commerce. Qui freine la création en beaucoup de cas, qui freine le partage. Ça c'est sûr, parce que le partage, c'est pas du commerce, c'est du partage. C'est, tiens, j'ai des poires, fais voir, ah, t'as trop de prunes, je t'échange des prunes contre des poires. Et puis même, partage, c'est aussi, j'ai 12 poiriers dans mon jardin, qui n'en veut, quoi ? Hein ? Pas obligé de recevoir nécessairement quelque chose en partage, on peut offrir aussi. Et, bon, enfin, c'est ambigu aussi, effectivement, mais dans la mesure où la musique s'est complètement dématérialisée et que c'est devenu quelque chose de numérique, qu'on nous a vendu comme étant une révolution à l'époque du CD, la qualité audio, etc., etc. Voilà, ben on a été jusqu'au bout du raisonnement, maintenant c'est dématérialisé, on nous vend des albums en MP3 à 1 euro le morceau, 10 euros l'album, un peu de choses près, c'est tout bénef pour les maisons de disques qui n'ont plus à presser, CD à les livrer et ils les vendent toujours au prix du CD support qu'on pouvait acheter en magasin, qui avait été livré en camion, qui c'est tout bénef pour les maisons de disques. Alors, moi je me demande vraiment, enfin. Bon, voilà, on a voulu quelque chose sans entrevoir l'autre côté de la pièce. Les maisons de disques c'est pas des pirates qui ont inventé le MP3, c'est pas. C'est. Enfin, voilà, le monde évolue, c'est tout, quoi. Alors, comment vois-tu le partage de la culture? Le partage de la culture. Mais déjà, pour moi, la culture, c'est quelque chose qui doit se partager réellement. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus ridicule qu'une pièce de théâtre à la télé, que de la musique en disque. Enfin, c'est tout des choses assez aseptisées. Je reste grand partisan, comme je l'ai déjà dit avant, d'aller voir les groupes qu'on aime en concert et de payer la place, parce que là, ça va directement dans la poche. D'associations locales souvent qui font venir des groupes. Donc oui, enfin, une pièce de théâtre, bah, ça doit se voir avec des acteurs vivants. Bon, maintenant, il y a le cinéma qui effectivement est un autre problème du copyright aussi, qu'on n'a pas encore abordé, enfin que je n'ai pas encore abordé. Et là, le cinéma est déjà quelque chose qui est cloisonné dans un format. C'est un écran. Alors maintenant, il y a des gens qui préfèrent voir ça sur grand écran avec du monde dans la salle. Il y en a qui préfèrent voir ça à la maison, dans un fauteuil bien tranquille. Chacun ses préférences Et bon, là, peut-être qu'effectivement, je sais pas, ça va nuire au budget de développement de films ou compagnie, mais je crois que j'ai cru entendre dire que depuis le téléchargement illégal et compagnie, il y a plus grande fréquentation des salles de cinéma, que la grande concurrence télé-cinéma est un peu. Et qu'a priori, encore une fois, on peut découvrir en téléchargement illégal ou en streaming ou ci ou ça des vieux films de réalisateurs dont on ira voir après les sorties au cinéma parce que justement on voudra voir le truc au moment où il sort. Ben, je pense pas que le téléchargement soit vraiment un truc qui va empêcher la diffusion de la culture, la vraie culture ou qui se passe dans la rue à la limite. Enfin, je veux dire, les acteurs qui n'ont pas réussi à rentrer dans les théâtres, eh ben, ils ont inventé le théâtre de rue. Enfin, je pense que les gens qui auront quelque chose à dire et qui voudront le dire trouveront toujours le moyen de se faire entendre. Bon. À une plus petite ou à une plus grande échelle, maintenant c'est une question de promotion, et dans la promotion, on revient au problème de commercialisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget sans commercialisation, et ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faudrait demander aux troubadours au Moyen-Âge. Il y avait le mécénat, tout ça. Oui, ou alors certains troubadours se baladaient de ville en ville et avaient leur territoire, je ne sais pas, enfin, ou au contraire voyageaient et amenaient des chansons d'Europe du Nord à l'Europe du Sud et inversement, de l'Est à l'Ouest. Enfin, c'est aussi ça le partage de la culture. Et moi, je pense qu'en art, même en général, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme un peu comme en chimie. C'est-à-dire que si on commence à choisir telle ou telle discipline artistique, c'est parce qu'on a rencontré un maître, entre guillemets, qui nous a donné envie de prendre une guitare, de se mettre à la peinture, de faire du théâtre, d'écrire. Et donc oui, quelque part, on est déjà influencé dans nos premiers pas, C'est un peu absurde aussi de dire, voilà, moi j'ai créé ça, ça m'appartient. À partir du moment où on le diffuse, ça ne nous appartient plus, ça appartient à l'auditeur qui l'entend, ça appartient au spectateur qui voit le truc. Chacun va ressentir une émotion différente. À part peut-être certains trucs formatés, mais est-ce que c'est vraiment de l'art? Ou du commerce? La culture, ce que c'est, bon, on place ça entre l'art et le divertissement, alors que bon, c'est bien plus vaste sans doute à la base, les habitudes alimentaires, tout ça, c'est culturel, Oui, bien l'hygiène, sûr. c'est culturel, voilà, Copyright sur le spaghetti plein bolognaise, de... hein. Chacun. Enfin, c'est ça aussi. C'est-à-dire, pour moi, le spaghetti bolognaise, c'est le bon exemple. Tout le monde fait du spaghetti bolognaise. Il n'y en a pas deux qui ont le même goût. Chacun a son petit truc qui fait que. Et enfin, voilà. C'est un peu chacun. Bon, en même temps, faut pas tomber dans le plagiat non plus. Enfin, c'est délicat. Mais. Bon d'accord, je ne copierai pas ta sauce bolognaise. Bon, alors pour continuer, est-ce que tu as dans ton expérience avec la SABAM ou avec un organisme apparenté, est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il s'est Ah passé un oui! événement ou... Ben, j'ai une expérience assez courte avec la SABAM, donc, qui a été assez comique. C'est-à-dire que voulant, comme tout musicien débutant, me protéger, j'ai cru bon d'aller m'inscrire à la SABAM. Et en fait, la SABAM n'est d'aucune protection. Moi, j'ai déposé mes 12 premiers morceaux qui constituaient mon premier album. Et puis, je me suis renseigné en me disant, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour me faire connaître et faire ma promotion? Ah ben, en gros, j'avais le droit, en tout et pour tout, de presser 50 copies gratuitement, sans me payer de droits d'auteur, qui auraient été au passage ponctionnés par la SABAM, pour frais de fonctionnement, évidemment. Et d'envoyer ces 50 copies à des maisons de disques. Ce que j'ai fait, je n'ai eu aucune réponse. Bon, à un moment, je suis tâté, je me suis dit, bon, est-ce que je ferai pas 50 autres copies que je leur dis pas et qu'ils sont pas vraiment au courant? Et puis, je me suis dit, bon. À ce moment-là, il y avait un pote qui lançait son site internet et qui m'a parlé du copyleft et tout ce genre de trucs. Mais pour moi, c'était un peu, ouh là là, c'est dangereux, je vais me faire voler mes morceaux, etc., etc. Et donc, j'étais à la SABAM aussi, parce que oui, il y avait aussi une autre proposition, un autre site internet qui aurait été une banque d'artistes belges, bruxellois pour commencer, belges en général, où chacun aurait eu une espèce de fiche technique avec, voilà, moi je suis acteur, moi je suis peintre, moi je suis musicien, et quelques exemples de ce qu'on fait. Et je me suis donc renseigné pour savoir si j'avais droit de faire un site promotionnel. Et là, on m'a gentiment expliqué que oui, j'avais tout à fait le droit de mettre mes œuvres sur un site, mais il fallait que le site paye des droits d'auteur à la SABAM, droits d'auteur qui me seraient rétribués. Bon, là, j'avais pas envie de mettre des amis dans l'embarras. Et je me suis un peu mieux renseigné. En fait, la SABAM, comme je disais, ne protège en rien. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me rends compte que quelqu'un m'a volé mon morceau, encore faut-il que je l'entende, que je reconnaisse le truc Et que tu l'aies déposé avant. et que je l'ai déposé avant, je peux aller au tribunal en disant, moi, je l'ai déposé à la SABAM à telle époque. Le dépôt SABAM fait preuve légale. Mais il y a 10 000 autres moyens de faire preuve légale qu'un morceau existe à une époque donnée, et notamment le plus simple, c'est de s'envoyer un CD ou une cassette à l'époque, ou une version, une clé USB, n'importe quoi, par la poste, dans une lettre scellée, le cachet de la poste fait foi. Et pour avoir des scellés, autant mettre le timbre sur la fermeture. Oui, c'est un recommandé. Un recommandé qui est conseillé dans l'idéal. Mmh. Et au moment où on reçoit l'enveloppe, on la garde précieusement fermée dans une armoire au cas où on a un problème et on doit aller en justice. Ouais. Bon, toujours est-il que moi je voulais faire ce site et diffuser ma musique, parce que pour moi c'était le meilleur moyen, c'était une diffusion planétaire qui ne me coûtait pas un franc à part rien, à part le temps que j'allais passer sur mon ordi à créer un site. Enfin, voilà, donc je me suis désinscrit de la SABAM aussi sec parce qu'en fait j'allais devoir me payer à moi-même des droits d'auteur. Oui. Donc voilà, maintenant je suis protégé comme ça, le site existe, enfin n'existe plus, est devenu un Bandcamp et plus de problème de SABAM. Et tout finit bien. Bah oui, de toute façon, enfin. La SABAM, il y a des amis qui ont eu des passages radio pour une compilation hip-hop, donc le truc musique quand même plutôt radiophonique. Je crois qu'ils ont dû toucher même pas 5 euros. Mmh. Enfin. Oui, léger. Très léger, oui. Ouais. Bon, eh bien, merci Nathan. Nathan de Taxidermiste. Taxidermistes. Au pluriel, parce qu'on est deux. Et de Norquestra. Merci. Salut. On écoute à présent Chewbacca Shampoo, second morceau du premier album de Norquestra, sorti au début des années 2000.